Leçon 2, B, exercice 6. Jeu de son. La mère d'Isabelle cherche la souris. Elle regarde sur le lit. Et que fait le père? Il regarde sur l'étagère. Oui, Catherine, je suis dans la cuisine. Oui, Catherine, Julie est une voisine. Oui, Cathy, c'est Minnie la souris. Et Julien est sur le lit, chérie.